Chapitre 38e. Malgré mes sollicitations indirectes, malgré les représentations de la baronne, mon père, cette fois inexorable, s'obstinait à ne me laisser aucun moment de liberté. Il venait le matin s'établir dans mon appartement et m'accompagnait le soir à la promenade. Ce fut ainsi que ma lente convalescence fut prolongée de 8 mortels jours. Le 9e était le vendredi d'avant Pâques. Une superbe matinée promettait que le dernier jour de Longchamp serait magnifique. Madame de Fontrose, qui vint dîner avec nous, proposa la promenade au bois de Boulogne. « Nous emmènerons le chevalier, » dit-elle à mon père. Trop malheureux pour rechercher les plaisirs bruyants, j'allais m'en défendre. Un regard de la baronne m'avertit qu'il fallait accepter. Et monsieur de Bellecour, nous ayant un instant quittés, madame de Fontrose me fit cette confidence, d'autant plus agréable qu'elle était moins prévue. « Elle y va parce qu'elle espère que vous y viendrez, la comtesse. Et qui donc? Vous aimeriez peut-être mieux que ce fût la marquise? Non, non, la comtesse, j'aurai le bonheur de la voir. De la voir, c'est là tout ce que vous demandez? Tout ce que je demande, oui, puisqu'il est impossible de... » interrompit-elle en me contrefaisant. « Et s'il n'était pas impossible de... Je serai dans les cieux, dans les cieux. » répéta-t-elle encore en affectant le même ton que moi. « Eh bien, vous irez dans les cieux. Mais pour cela, convenons auparavant de ce que vous avez à faire sur la terre. D'abord, ne vous avisez pas de vous enfermer dans une sombre berline avec cette ennuyeuse madame de Fontrose et cet importun baron de... Vous n'écoutez point? Si fait, de toutes mes oreilles. Je le crois, il tremble d'impatience. Il a l'air de vouloir dévorer mes paroles. Vous arriverez sur votre alezan. Quand vous aurez fait une centaine de caracoles à quelque distance du cabriolet où sera votre ami, quand la comtesse aura pu s'enivrer tout à son aise du plaisir de vous voir, avec une grâce infinie, manier votre joli cheval, le sien qu'elle gouvernera plus mal ou mieux, prendra tout à coup le mort aux dents. D'abord, sans vous ébranler, vous suivrez de l'œil la fugitive voiture. Mais un moment après, votre cheval aussi vous emportera. D'un autre côté, cependant, monsieur. D'un autre côté? « Oui, mais rassurez-vous, après de longs détours, au bout d'une heure entière, au bout d'un siècle, l'animal, qui n'est pas du tout bête, apportera justement Faublas où l'attendra son Éléonore. Devinez. Chez elle, peut-être. Quelle idée! Est-ce bien vous qui me répondez ainsi? Chez moi, jeune homme. Vous n'y trouverez que le Suisse et mon Agathe. Deux braves gens qui ne voient, ne disent et n'entendent que ce qui me plaît. Des gens dont je vous réponds. Chez vous? Que de reconnaissance! Vraiment, dit-elle d'un ton presque sérieux, j'espère que vous vous comporterez comme des gens raisonnables. Si je croyais que vous fissiez seulement des enfantillages, je ne vous permettrais que l'entrée de mon salon. Elle se mit à rire. Mais je vous connais tous deux. Vous emploierez votre temps à des choses importantes. Vous ferez une ou deux ou trois charades. Que sais-je, moi, tout ce dont Faublas est capable. Tenez. Voilà la clé de mon boudoir. Ah ça, mais pourtant n'allez pas déplacer tous les meubles. Mes femmes, que je n'ai point accoutumées à des déménagements, ne sauraient que penser. Ma réputation, je tiens beaucoup à ma réputation. Monsieur de Bellecour rentra. Nous parlâmes encore de Longchamp. Je témoignai la plus grande envie d'y paraître à cheval. Mon père observa que trop d'exercice pourrait m'être nuisible, mais il ne fit plus d'objection quand je lui représentais que la plus grande fatigue me serait épargnée, s'il voulait bien me donner une place dans sa voiture jusqu'au-dessus de la grille de Chaillot. Ce fut encore plus loin, ce fut à l'entrée du bois même que Jasmin alla m'attendre avec mon cheval. Le baron, à l'instant où je quittais son carrosse, reconnut la porte Maillot, et comme s'il eût pressenti la rencontre hasardeuse que j'allais faire. « Voilà, » dit-il avec un profond soupir. Un endroit qui sera toujours présent à ma mémoire. J'ai passé un des moments les plus pénibles et les plus doux de ma vie. Aussitôt, je cherchais madame de Lignol, et je ne tardais pas à la rencontrer, et bientôt elle vit, avec une joie difficile à rendre, elle vit son amant passer auprès de sa voiture. Mais dans la longue et double file des voitures où le hasard persécuteur lui avait-il fait prendre une place, le superbe whisky dont elle était précédée, quelle déesse porte-t-il? Quelle nymphe occupe le brillant phaéton qui vient immédiatement après la comtesse? Je vais d'abord au magnifique char. Une femme superbe y paraît dans tout le faste de sa parure, dans tout l'éclat de sa beauté. La première vue impose à tous le silence de l'admiration. Les courtes exclamations de l'enthousiasme s'élèvent ensuite. Puis succède un léger murmure, puis on entend chacun se répéter « Oui, la voilà, c'est elle, la marquise de B. » Qui lui disputait cependant les honneurs de Longchamp? La jolie femme du phaéton. Négligemment assise dans une conque lilas, plaquée d'argent, elle manie avec abandon des guides si riches qu'on ne croit point que ses mains délicates puissent longtemps en soutenir le poids. Elle paraît, en se jouant, retenir quatre chevaux Isabelle à tout crin, superbement harnachés, couverts de rubans et de fleurs. Quatre fringues en chevaux, qui, relevant fièrement leur tête et de leurs pieds frappent la terre, et couvrant leur mort d'écume, semblent s'indigner qu'une femme et un enfant aient la témérité de les conduire. Tout le monde voit bien que la nymphe a moins de contenance que de manière, a moins de fraîcheur que d'éclat. Mais personne ne saurait dire s'il y a plus d'indécence dans son maintien que de friponnerie sur sa figure. S'il y a plus de richesse que d'élégance dans le luxe effréné de son équipage et de ses habits. Cependant, oh, Madame de B., cette femme, maintenant chargée de panaches, de diamants et de broderies, promenée sur un char triomphal, environnée de jeunes seigneurs, et poursuivie des joyeux applaudissements de la multitude, pouvez-vous deviner que c'est la petite fille qui fut pendant un an votre servante? Monsieur de Valbrun s'est donc ruiné. Je passai plusieurs fois devant le whisky de Madame de B. Elle eut l'air de ne pas me voir. J'eus la discrétion de ne pas la saluer. Mais, curieuse apparemment de savoir si j'étais là pour elle, la marquise promena de toutes parts ses regards inquiets. En se retournant, elle reconnut dans son cabriolet modeste Madame de Lignol, qu'elle honora d'un gracieux sourire, et sur son char de triomphe, Madame de Montdésir, qu'elle humilia d'un coup d'œil protecteur. Il y a tout lieu de penser que Madame de B., si près de la comtesse, dont elle connaissait les jalouses vivacités, et non loin de Justine, qui pouvait se permettre quelques familiarités imprudentes, ne se crut pas en sûreté. Ce qui est du moins certain, c'est qu'à l'instant même, elle sortit des rangs pour aller prendre la file un peu plus haut. Peut-être aussi fut-elle déterminée à cette espèce de fuite, parce qu'elle aperçut de loin son mari qui semblait piquer droit vers moi. Mon premier mouvement fut de rebrousser chemin, pour éviter le malencontreux cavalier, mais par réflexion, craignant sans doute mal à propos qu'il ne me soupçonnât d'une lâcheté, je pris le parti de continuer ma route. Je crus même devoir ne plus aller qu'au petit pas et regarder fièrement l'ennemi qui s'approchait. J'étais pourtant bien résolu, comme on le devine, à laisser passer M. de B. s'il ne m'abordait pas. Il m'aborda. « Je suis, Monsieur le Chevalier, charmé du hasard. N'achevez pas, Monsieur le Marquis, je vous entends. Mais que signifie ce mot « hasard » Je vous en prie. Il n'est pas, ce me semble, tout à fait impossible de me rencontrer dans le monde. Et quiconque, d'ailleurs, a quelque chose de pressant à me dire, est toujours sûr de me trouver chez moi. Vraiment, je voulais y aller chez vous. Qui a pu vous en empêcher ? Qui, ma femme ? Eh bien, monsieur, vous croyez que Madame la Marquise a mal fait ? Pas trop mal, dans un sens. Elle avait ses raisons. Ses raisons. Pour m'engager à ne pas vous faire ma visite. Moi, j'avais les miennes pour désirer du moins de vous joindre quelque part, monsieur le chevalier. La rencontre est donc, comme vous disiez tout à l'heure, fort heureuse. Oui, parce que je vais avoir avec vous une explication. Ah, tout à l'heure, si vous le voulez, monsieur le marquis. De tout mon cœur. Sortons de la foule. Sortons, mais je vous demande bien pardon. Et de quoi? En m'en allant, je crus ne pouvoir pas me dispenser de saluer Madame de Lignol et de tâcher de lui faire comprendre par mes signes que j'allais bientôt revenir. Vous regardez sans cesse de ce côté, reprit monsieur de B. C'est apparemment cette jolie femme du phaéton qui vous occupe. Je vous dérange? Oh, laissez donc la plaisanterie, monsieur le marquis. Je ne plaisante point. Arrêtons-nous ici. Ici, nous serons mal. Pourquoi? Personne ne nous entendra. Mais tout le monde pourra nous voir. Qu'importe. Enfin, comme il vous plaira, monsieur. Vous avez donc vos pistolets? Mes pistolets? Sans doute. Ni vous ni moi n'avons d'épée. Et pourquoi donc faire des pistolets des épées, monsieur le chevalier? Comment, pourquoi faire? Est-ce qu'il n'est pas question de nous battre? Nous battre? Au contraire, monsieur. C'est que je me repens de m'être battu avec vous. Bon. Je me repens de vous avoir fait une mauvaise querelle. Ah. D'avoir causé votre exil. Ah. Et par suite, votre emprisonnement. Monsieur le marquis, vous conviendrez que je ne pouvais pas deviner cela. Voilà pourquoi je vous cherche, depuis que vous êtes sorti de la Bastille. En vérité, vous êtes trop bon. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais même été chez vous si ma femme... Madame la marquise a très bien fait de vous le déconseiller. C'eût été poussé trop loin. Je ne sais pas. Un galant homme ne saurait trop vite et trop bien réparer une offense. Voilà mon avis à moi. Tenez, vous en avez fait la fâcheuse expérience. Je suis vif, je m'emporte sur un mot, je me fâche avant de m'expliquer. Mais l'instant d'après, je reviens et je conviens franchement de mes torts. Oh, tous mes amis vous le diront. Je gagne à être connu. Je suis dans le fond un bon diable. Vous m'en voyez convaincu. Bien, mais dites que vous me pardonnez. Vous vous moquez. Dites-le, je vous en prie. Jamais, jamais je ne pourrai. Vous ne me pardonnerez jamais. Ce n'est pas cela que... Écoutez-moi. Je vous ai avoué mes torts. Je ne dois pas non plus vous dissimuler mes services. C'est moi qui vous ai fait sortir de la Bastille. Vous, monsieur le marquis, moi-même. Je me suis mis aux genoux de ma femme pour obtenir d'elle qu'elle sollicitât votre liberté. Et vous avez pu l'y résoudre? Vraiment, ce n'a pas été sans peine, mais il faut lui rendre justice. Ensuite, elle a pris cette affaire à cœur autant que moi. Elle a pressé le nouveau ministre avec une ardeur dont vous n'avez pas idée. On dit qu'elle est bien avec le nouveau ministre. Au mieux, ils s'enferment ensemble pendant des heures entières. C'est une femme de mérite que ma femme. Je la connaissais bien quand je l'ai épousée. Sa figure promettait beaucoup. Et la marquise a tenu tout ce que promettait sa figure. À propos, si vous désirez quelque emploi, quelque pension, quelques lettres de cachet, sensiblement obligé, vous n'avez qu'à parler. Madame de B aura une conversation particulière avec. Je vous rends mille grâces. Pour en revenir à nous, mais vous ne m'écoutez point. Je regarde là-bas cette vieille dame. N'est-ce pas la marquise d'Arminghourt? Je ne la connais pas. Oui, c'est elle. Monsieur le marquis, ne tournons plus les yeux de ce côté-là. J'entends. Vous ne vous souciez pas d'être obligé d'aller faire votre cour à cette douairière? Pas infiniment. Pour en revenir à nous, je vous ai donc fait sortir de la Bastille. Et puis n'ai-je pas eu déjà ce que je méritais? Ne m'aviez-vous pas donné ce fier coup d'épée? Je ne me consolais pas d'y avoir été forcé, je vous assure. Oh, c'était un maître coup d'épée, celui-là. Savez-vous bien que j'en ai pensé mourir? C'eût été pour moi, je vous en donne ma parole d'honneur, un éternel sujet de chagrin. Vous ne m'en vouliez donc pas? Pas du tout. Comment, en ce cas-là, refusez-vous aujourd'hui de me pardonner? Moi, je ne demande pas mieux. Monsieur le chevalier, j'en suis ravi d'aise. Et vous, monsieur le marquis, vous me pardonnez donc aussi? Si je vous pardonne, mais de l'aveu de ma femme elle-même, vous n'avez eu dans toute cette affaire que de très légers torts avec moi, et avec elle, mais très légers. Cette conversation, qui d'abord ne m'avait paru que fâcheuse, m'amusait maintenant et piquait ma curiosité. Mais je sentais que Madame de Lignol, déjà très étonnée de mon départ, devait attendre mon retour avec une mortelle impatience et pourrait, s'il tardait longtemps, faire une étourderie. Monsieur le marquis, nous voilà d'accord, rentrons dans la foule. Nous causerions ici plus à notre aise. Nous serons tout aussi bien là-bas. Je le disais bien que la jolie fille lui tenait au cœur, s'écria Monsieur de B. En effet, ce fut auprès de la demoiselle du phaéton que je le reconduisis. Mais ce fut la dame du cabriolet qui s'attira tous mes regards, et je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle parut enchantée de me revoir. Cependant, il m'était aisé de m'apercevoir que cet étranger, dont elle me voyait suivi, l'inquiétait. Madame de Montdésir aussi parut excessivement flattée du nouvel hommage que j'avais l'air de lui rendre, en revenant une seconde fois grossir le nombre de ses adorateurs. Mais aussitôt qu'elle eut reconnu son ancien maître dans le cavalier qui m'accompagnait, elle étouffa quelques éclats de rire, pour lui lancer, comme à moi, des coups d'œil très significatifs. Cependant, le marquis, revenant à sa première idée, me disait « Vous n'avez eu par rapport à la marquise et par rapport à moi que des torts très légers, de ces torts que tout autre jeune homme. N'est-il pas vrai, monsieur, qu'à ma place, tout autre eût fait de même que moi ?» Sans doute, mais c'est monsieur de Rosembert qui, dans tout cela, s'est conduit on ne peut pas plus mal. Aussi, nous resterons brouillés jusqu'à la mort. Monsieur du Portail a bien de son côté quelques petits reproches à se faire. Vraiment, oui. Vous en convenez donc, assurément. Ce fatal jour où je vous rencontrais tous aux Tuileries, monsieur du Portail devait conserver plus de présence d'esprit, me tirer à part, m'avertir que l'honneur et le repos de toute une famille l'obligeaient à ce mensonge. Pouvais-je deviner, moi? Certainement non. Mademoiselle, votre sœur aussi, n'aurait pas mal fait d'essayer de me glisser un mot à l'oreille. Mais la jeune personne avait peur. Son père était là. Vous, monsieur le chevalier? Ah, moi. Voyons, que voulez-vous dire? Non, non, parlez. Après vous? Point du tout, monsieur le marquis, je vous ai interrompu. Cela ne fait rien, dites. Dites-vous-même, je vous en prie. Je vous en demande grâce. Eh bien, vous, monsieur le chevalier, vous ne me deviez aucune confidence. D'abord, il ne vous convenait pas de m'accuser les petits écarts de mademoiselle votre sœur. Savez-vous deux individus entre lesquels il y a une ressemblance frappante? Mademoiselle votre sœur et vous. Ah, parlez-moi de cela, par exemple. Le plus habile en peut être dupe. Moi qui suis le premier du royaume pour la science physionomique, je m'y suis mépris, plusieurs fois mépris. Il paraît que mademoiselle votre sœur aime beaucoup les plaisirs. Quand elle est fatiguée, pâle, exténuée, on s'aperçoit bien que ce n'est pas vous. Mais lorsqu'elle est dans ses jours de santé, le diable vous verrait l'un à côté de l'autre, qu'il ne saurait dire quelle est la fille et quel est le garçon. À propos, parlerez-vous à mademoiselle votre sœur de notre rencontre? Si cela peut vous être agréable. Oui, faites-moi le plaisir de lui dire que, malgré les fâcheux quiproquos auxquels son premier déguisement a donné lieu, je l'aime toujours de tout mon cœur. Et quoique monsieur votre père soit un peu vif, assurez-le de toute mon estime. Dites même à monsieur du portail que je ne lui en veux pas beaucoup, pas... Monsieur le connaisseur, voyez dans ce cabriolet qui précède le phaéton, voyez un peu cette femme. Voilà ce qu'on peut appeler une charmante petite personne. Bien moins parée que l'autre, et bien plus jolie, et ça n'a pas l'air d'une fille. Une femme comme il faut, parbleu, je connais cette livrée. Au reste, ajouta-t-il en se rengorgeant, je suis bien aise de vous avertir que depuis longtemps aussi, cette dame nous regarde, et beaucoup, et souvent. Tenez, ne dirait-on pas qu'elle veut nous parler? Il est vrai que madame de Lignol perdait patience et tâchait de me faire entendre par des signes qu'il fallait enfin, à quelque prix que ce fût, me débarrasser de cet importun cavalier pour la venir joindre incessamment au lieu de rendez-vous où, lassée d'attendre, elle allait courir. Plusieurs fois, emportée par son impétuosité naturelle, la comtesse se montra tout entière hors de sa voiture. Cependant, madame de Montdésir, du haut de la sienne, put remarquer les impatiences d'une rivale. Je ne crois pas qu'alors il lui fût possible de voir que c'était madame de Lignol qui lui enlevait mon attention, mais sans doute elle le soupçonna. Ce fut pour s'en assurer qu'elle fit sur-le-champ donner à son jockey l'ordre un peu trop hardi de quitter son rang et d'essayer de couper le cabriolet. Il ne put le couper, mais durant quelques secondes, il marcha tout auprès sur la même ligne et puis le devança de quelques pas. Justine, qui reconnut alors madame de Lignol, se permit de la saluer d'un air insolemment familier. Elle osa même, en la regardant avec affectation, pousser d'impertinents éclats de rire. Je fus indigné, je ne sais pas tout ce que j'allais faire. La comtesse ne me laissa pas le temps de la compromettre en la vengeant. Trop vive pour endurer tranquillement un affront pareil, la comtesse aussitôt cria gare, poussa son cheval, d'un coup de fouet coupa le visage de madame de Montdésir, et du même temps accrocha le léger phaéton si bien et si ferme qu'elle mit en pièces l'une de ses roues. Le char versa, l'idole fut culbutée. Je craignis un moment qu'elle ne se brisât la face contre terre. Heureusement que, dans sa chute, Justine, par un mouvement machinal, jeta ses bras en avant, de sorte qu'aux dépens de plusieurs meurtrissures, ses mains sauvèrent quelques contusions à son visage déjà bien maltraité. Mais par un accident qui devint comique, il arriva que les pieds de la nymphe restèrent, je ne sais comment, retenus au haut de son char. Or, dans cette posture, rien ne peut empêcher les jupes de retomber sur les épaules en découvrant une autre partie, et le malin zéphyr ayant à propos soulevé la fine toile qui restait alors sur la blanche peau, madame de Montdésir fit voir, respectons les bizarreries de la langue, il serait grossier de nommer par ce nom ce que madame de Montdésir fit voir. Je dirais du moins, ce qu'il m'est permis de dire, c'est que toute l'assemblée applaudit à son apparition par de grands claquements de mains. Quelques jeunes gens néanmoins coururent à la désolée personne, et moi-même, aussitôt calmé par le touchant spectacle de son infortune, je mis pied à terre pour l'aller secourir. « Attendez, me dit M. de B, j'y vais avec vous, car je la plains, et je vous le répète, j'ai vu cette figure-là quelque part. » Oh, pour celui-là, monsieur le marquis, je ne le passerai pas à un physionomiste. Vous êtes aussi trop bon d'appeler cela une figure. En reste, que vous vous obstiniez ou non à soutenir que c'en est une, je vous déclare qu'elle est un peu de ma connaissance. Et quant à vous, je doute que vous l'ayez jamais vue. Lorsque je me trouvais près de Justine, on l'avait déjà remise sur ses pieds. « Ah ! » s'écria-t-elle en me voyant. « À monsieur de Faublas, comme elle vient de m'équiper !» Je l'interrompis, je lui dis bien bas. « Ma chère enfant, tu n'as que ce que tu mérites. Mais ne t'avise pas de nommer la comtesse, car sur mon honneur, tu n'en serais pas quitte à si bon marché. »« Ah, monsieur de Faublas, vous croyez qu'elle a bien fait ?» reprit Justine au désespoir. Elle avait plusieurs fois prononcé mon nom. Plusieurs voix le répétèrent. Aussitôt, il circula dans l'assemblée et vola de bouche en bouche. La foule qui environnait Madame de Montdésir me pressa tout à coup, de manière qu'à peine le marquis et moi nous eûmes la liberté de remonter à cheval et qu'il fallut aller au petit pas. Le nombre des curieux ne fit à chaque instant que s'accroître. Jeunes gens et vieillards, hommes et femmes, piétons et cavaliers, tout accourut, tout vint se jeter au-devant de moi, les voitures même s'arrêtèrent. Quel jeune homme à ses maîtres de lui, quel jeune homme cependant eût repoussé le charme de ce triomphe. Un moment j'en fus enivré, un moment je sentis quelque orgueil à la vue de tant de jeunes gens qui, renommés dans l'art de plaire et fameux par leurs amours, paraissaient proclamer en moi leur vainqueur, les femmes surtout, les femmes. Cependant mes écervelés de pages tous ensemble me promirent d'arrêter et de ramener avec eux l'importun cavalier qui n'était plus qu'à très peu de distance. Ils me le promirent, ils m'embrassèrent, ils me virent avec regret m'éloigner le plus vite possible. Il était temps que j'arrivasse. Madame de Lignol trouvait les moments bien longs. Dès qu'elle me vit, elle m'accabla de reproches. « Mon ami, que vous êtes injuste. Est-ce ma faute si cette femme a l'audace ? Oui, c'est votre faute. Pourquoi connaissez-vous de pareilles créatures ? Pourquoi m'avez-vous fait pour cette Madame de Montdésir une infidélité ? Bon, vous allez rappeler une querelle oubliée. Oubliée jamais ? De ma vie, je n'oublierai que j'ai sottement baisé la main de cette impertinente qui ose aujourd'hui se prévaloir. Vous venez de l'en punir, vous l'avez défigurée. J'aurais dû la tuer. Peu s'en est fallu. Elle est tombée de haut en bas de sa voiture brisée. De haut en bas ? S'écria la comtesse avec beaucoup d'inquiétude. Mon Dieu, je l'ai peut-être dangereusement blessée. Non, mais... Ici, pour calmer tout à fait Madame de Lignol, je me hâtais de lui raconter la déconvenue de Justine. Et je vous laisse à penser combien mon récit rapide, mais fidèle, amusa la comtesse, vive dans ses gaietés comme dans ses fureurs. Je craignais qu'à force de rire, elle ne suffoquât. « Que vous disait-il donc de si beau, ce monsieur ?»« Il m'entretenait de ma sœur. »« Il la connaît ?»« Oui, c'est un parent. »« Un parent. » »« Mais cette fois, je vous crois, parce que je l'ai bien examiné pour m'assurer si ce n'était pas encore quelque femme déguisée. »« Oh, vous ne m'attraperez plus. J'y prendrai garde. Allez !» « À propos, mon ami, dis-moi, n'as-tu pas vu ta tante à Longchamp ?»« Non, je ne voyais que toi. Mais vous, monsieur, vous avez pu faire attention à tous ceux qui vous entouraient ?»« J'ai fait attention à la marquise, parce qu'il m'a semblé qu'elle me regardait. »« Heureusement pour nous, dit la comtesse, elle n'a pas ses yeux de 15 ans. »« Éléonore, si pourtant elle m'avait reconnue. »« Oh que non !» s'écria-t-elle. « Faublas, ce serait un grand malheur, mais il faut espérer que non. » Déjà la comtesse me parlait d'un ton plus doux, et je l'eus bientôt persuadée de mon innocence. Alors elle parut avec transport m'entendre lui répéter 100 fois les protestations d'un fidèle amour. Mais je fus non moins affligé que surpris quand je vis qu'elle en refusait l'épreuve. « Non, non, » disait-elle d'un ton absolu. « Tu pleures, mon ami, pourquoi donc ?»« Parce que vous ne m'aimez plus comme autrefois. »« Davantage, monsieur. »« Autrefois, jamais un refus. » « Oui, lorsque vous n'étiez pas malade, tu pleures. Voyez donc qu'il est enfant. »« Dame, écoutez donc, mettez-y de votre côté un peu de courage. »« Faublas, mon cher Faublas, » ajouta-t-elle avec abandon, après m'avoir donné le baiser le plus tendre. « Ce n'est déjà pas pour moi une chose si facile que de résister à mes désirs. S'il faut en même temps triompher des tiens, je ne réponds pas d'en avoir la force. » C'était avec raison qu'elle se défiait d'elle-même, mon adorable Éléonore, puisque, après quelques moments d'un plus voluptueux combat, après quelques moments d'un plus voluptueux silence, elle me dit avec des soupirs entrecoupés d'une voix tremblante : « Tu vois bien, mon ami, tu vois bien ce qui vient de m'arriver, Eh bien, en venant ici, j'avais juré que cela ne serait pas. Or, comme je publie sa défaite, il faut avouer ses victoires. Malgré mes efforts à chaque instant renouvelés, je ne pus une seconde fois obtenir de ma délicate maîtresse qu'elle oubliât ses chastes résolutions. Ma charmante amie, les heures fortunées s'écoulent bien vite, il faut déjà nous séparer. Déjà. Si j'arrivais trop tard, il me deviendrait impossible de faire à M. de Bellecour une fable un peu vraisemblable. Mon esclavage. Un moment, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux, un moment encore. Faublas, nous nous quittons pour 3 jours. Pour 3 jours. Demain, je vais au Gatinois. Au Gatinois, sans moi, pourquoi faire? Hélas, sans toi, c'est ton père. Ton père me fera mourir de chagrin. Cette fête, qu'elle sera triste. Et quand il m'était permis de croire que mon amant l'embellirait de sa présence, je m'en faisais une idée si charmante. Éléonore, tes pleurs me font un plaisir trop douloureux. Sèche tes pleurs. Attends. Que ma bouche... Dis-moi, ma belle amie, quelle est cette fête? Être au milieu de gens indifférents et ne pas rencontrer ceux qu'on aime? Se voir environné de monde quand on voudrait gémir dans un désert? Dis-moi donc quelle est cette fête? Tous les ans, au jour de Pâques, tous les ans depuis que j'existe, la rosière a reçu de mes mains. L'année dernière, j'ignorais encore ce que je faisais. Du moins, je flattais ma faiblesse de cette espérance que mon amant serait là pour me consoler, pour me soutenir. Si je venais à songer, avec quelque frayeur, que moi qui couronne la sagesse, je ne suis pas sage. Hélas, je le dirai toujours, ce n'est pas ma faute. Je ne cesserai de le répéter. Pourquoi m'ont-ils donné ce monsieur de Lignol? Ce que je dis là te fait de la peine? Faublas, va, rassure-toi, je n'ai pas de remords, pas même de regrets, quelquefois seulement. Depuis que ton père m'a fait de grands discours, je me surprends, réfléchissant sur les dangers sans nombre. Va, rassure-toi tant que tu m'aimeras, ne crains pas que je t'abandonne. Et quand tu ne m'aimeras plus, je trouverai dans mon désespoir ma dernière ressource. Rassure-toi, tu pleures? Tiens, mon ami, viens, viens m'embrasser, viens. Que nos larmes se confondent. Demain, je pars. Dimanche, la triste fête aura lieu. Le lundi, de très bonne heure, tout le monde revient. Je ramène ma tante avec Madame de Fontrose et moi nous concerterons quelques heureux stratagèmes qui puissent te rendre à ton Éléonore dans la soirée même de lundi. Quoiqu'il fût déjà tard, quoique la marquise m'attendît, quoique mon père dût s'impatienter de ma longue absence, je répétais 100 fois mes adieux à Madame de Lignol avant de la pouvoir quitter. Enfin, pourtant, nous trouvâmes assez de force pour nous séparer.